Un regard, ça peut vouloir dire tant de choses. Une cicatrice, ça raconte une histoire. Y'a des hommes qui les cachent, qui ont préféré vivre dans un monde où la lumière ne passe plus à travers les stores. J'suis conscient qu'y'a pas de société parfaite. Le problème, c'est que la nôtre est même pas potable. Pourtant, on la boit quand même. On n'a pas toujours ce qu'on veut, on fait pas toujours ce qu'on aime. Tant mieux. J'ai l'accent du nord de la France, Roubaix ma provenance, ma ville, mon quartier, mon boulevard, à deux pas de la Belgique de Poelvoorde, bercé par les sirènes d'ambulance. J'ai grandi en face d'un hôpital à mort, je l'ai vu faire des allers-retours, une seule erreur peut salir toute ta vie, 15 ans certains creusent déjà leur tombe. Je suis blanc mais je suis pas fier quand je vois ce qu'il a fait subir à autrui. Putain de montée de colère, parce que t'es de couleur, tu subis la moquerie, dans quel monde on vit? Je suis différent, je sais qu'on va pas leur pleurer. Je suis resté un gosse, dehors il pleut, j'ai l'impression que les lampadaires pleurent. On m'a toujours prédit à un destin funèbre. Ils me verront disparaître dans un écran de fumée. Depuis petit la haine déborde dans nos veines. J'ai cramé ma jeunesse au bord de ma fenêtre, cherchant l'étoile filante. On m'a toujours prédit à un destin funèbre. Ils me verront disparaître dans un écran de fumée. Depuis petit la haine déborde dans nos veines. J'ai cramé ma jeunesse au bord de ma fenêtre, cherchant l'étoile filante. Je crois qu'elle était fuyante. Et de toute façon, on s'est tous déjà fait des films comme ce fils de que t'as rêvé de buter. Le soir dans ta piole, tu t'es même fait des plans sur la comète. Au final, t'as fini un bleu sur l'abdomen, une plaie sur la pommette. C'est moche, c'est réel. Génération insouciante à pour classique, génération assassin. J'pourrais jamais voler quelqu'un, ça me dérange pas de le faire dans les magasins. Génération pire de TN, porte pas de mocassin. Leur monde c'est les ténèbres, la mort ça coûte rien, regarde le prix d'une lame. Fuck leur monde tous les jours, les médias financent campagne dans Zemmour. C'est bizarre, on dirait qu'il y a plus d'encre quand il faut parler des Ouïghours. Je veux pas devenir celui qu'on soutient pour ce qu'il fait, pas pour ce qu'il est. Je vois la vie comme une montagne à gravir, sauf que j'y suis pas pour ce qui est. On m'a toujours prédit à un destin funèbre. Ils me verront disparaître dans un écran de fumée. Depuis petit la haine déborde dans nos veines. J'ai cramé ma jeunesse au bord de ma fenêtre, cherchant l'étoile filante. On m'a toujours prédit à un destin funèbre. Ils me verront disparaître dans un écran de fumée. Depuis petit la haine déborde dans nos veines. J'ai cramé ma jeunesse au bord de ma fenêtre, cherchant l'étoile filante. J'crois qu'elle était fuyante.